l'avenir. Yo, jusqu'au bout, peut-être, peut-être, babar tout le trou, on sent ouf, on fonce clou, du pestacle, chaque coup, fumant mon corps, je suis pas pris en boulette, boum, je paye leur tête, grosse, viens voler la vedette, jusque là, peut-être, peut-être pas, jusqu'au bout. Toujours un début à tout, alors debout, bouge ta viande pour aller jusqu'au bout, des choses, des sujets tabous, t'as beau être bronzé, frisé, arabe, noir, avec ou sans papier, tous dans le même panier, c'est la merde du panier, la vérité s'épanouit, fleurit, jette ton ouïe sur ce que je dis. Aujourd'hui on dit que pour les sous, les soucis prennent le dessus. Un monde de fous, des fois je suis déçu quand je vise le dessous. Des vieux sous les ponts, des jeunes qui pètent les plombs. Et à ça qu'est-ce qu'on répond? On prend l'interrogation. Motivation, solution pour sortir toute situation. Se donner à fond, quitte à faire couler la sueur de son front. Avoir du cran, c'est prendre les francs là où ils sont. En avoir dans la tête, mais aussi dans le casson. La chanson, je la connais par cœur comme une leçon. La peur, la pression, quand t'approches tombe en prison. Prions, one love pour tous les miens. Mes frangins, ma division, donner rudage jusqu'au bloc filon. Yo, jusqu'au bout, peut-être, peut-être, pas partout le trou, on s'en fout, t'enfonce flou, tu peux sacre chaque coup, fumant mon corps. Je suis pas pris en boulette, boum, spay leur tête, grosse, viens voler la vedette. Jusqu'au bout, peut-être, peut-être, peu partout le trou, on s'en ouf, enfonce clou, tu peux stacker chaque coup, fumant mon corps. Je suis pas pris en boulette, boum, spay leur tête, viens voler la vedette. Yo, yo, on vient voler la vedette. Encore pire, on vit aventure sur aventure, histoire sur histoire pour finir hystérique. Ma vie, un film sans générique, un putain d'épisode où la négativité prend le dessus. Quand on oublie, c'est que la vie, c'est son odyssée. Être audacieux, une solution, ne passez pas d'être évidence. Tant ceux qui disent que l'arme, c'est le silence. Sinon, on irait tous vers la violence. Sixième sens de la délinquance. Quand j'en t'ai panique, Ernest Laurent, ton l'envers, esquive le cap. Ne reconnaissent plus leur couveuse. Vise que le vice qu'enferme dans le vase. Blocage, on attend tous le déblocage. Pour ça, se trouve une petite case pour cousse. Sans qu'ils pour entrer, ça tenterait tout refermer. Ça demandait fort donc pour tout enterrer. En sachant que le goût sera amer, pas salé donc mon choix est fait. Avant que ça me saoule, si c'est pendant cette vie, je tiendrai. Le coup qui t'a me privé, à prouver à plein qui je suis, ce que je fais. Ce que je fais, tu l'écoutes. Prends du transport et de ma route jusque la vitrine. Qu'est-ce que tu veux, je traîne, m'entraîne. Cherche le trône de trouve, je connais pas le sens de la trêve. Affronte jusqu'à tuer l'offrande la tatouée. Chargé de CV avant de me présenter chez vous, vous savez. Maintenant d'où je viens, d'une grosse galère où la réflexion est lourde. Et je rigole, je fais semblant de lire des. Alors qu'un est en ordre en plein dans le bordel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Mon rap ressemble à ma vie, Jack. C'est pas du Jack pour aller danser. Plutôt s'assier, analyser, aller jusqu'au bout des choses, remédier à certaines actions méritant sanction. Comme ce rap le succès, on recherche rien à part ce qui vient de droit. Yo, ce qui zigzag, on en veut pas. Fini le temps des blagues, des ploucs depuis la fin de Splek. Écoute mec, c'est moi pour ma division et ma clique. Ha, yo, yo, 6, 6, 9, 8. Yeah, yeah. Jusqu'au bout des choses, remédier. Jusqu'au bout, peut-être, peut-être, peut pas tout le trou. On s'en ouf, on pense que tu peux stack à chaque coup, fumant mon corps. Je suis pas pris en boulette, boum, je paye leur tête, grosse, viens voler la vedette. Jusqu'au bout, peut-être, peut-être, pas partout le trou. On s'en ouf, enfonce clou, du pestacle à chaque coup, fumant mon corps. Je suis pas pris en boulette, boum, je paye leur tête, viens voler la vedette, viens voler la vedette, viens voler la vedette, jusqu'au bout. Yo, c'est 5-5. Hey yo, yo, live de l'ombre, live de l'ombre, mort.